franceinter.com. Sera-t-il un jour réhabilité ? Henri Nanot, le poète paysan, le poète résistant, l'ami d'André Breton, victime d'une accusation douteuse. Nanot, torturé, calomnié, emprisonné, et qui a fini par sombrer dans la folie avant de mourir prématurément à l'aube de la quarantaine. Monsieur X a déjà évoqué ce personnage dérangeant il y a plusieurs années. Et s'il revient aujourd'hui sur la vie tragique de Nanot, c'est que son fils Jean-Jacques a annoncé en octobre 2010 son intention d'introduire une action en justice afin d'obtenir la révision du procès de son père. Henri Nanot a en effet été condamné à 5 ans de prison en 1958, par la cour d'assises de Tulle pour avoir commis un attentat contre un notable politique local, Marcel Champex. Un forfait qu'il a toujours nié. Mais l'ancien maquisard, exalté, non-conformiste et provocateur, faisait un coupable idéal pour la justice et la classe politique que Nanot exaspérait. Mais avant d'être condamné, il a été arrêté par des policiers qui avaient été en service sous l'occupation et il a été sévèrement et longuement frappé. Une véritable séance de torture qui l'a physiquement brisé et a ébranlé sa raison. Nanot ne s'en remettra jamais. Et après être passé de prison en hôpital psychiatrique, il mourra de sa folie en 1962. J'ajoute, avant de retrouver Monsieur X, qu'il existe aussi une raison supplémentaire pour parler d'Henri Nanot. Son livre « Scène de la vie du maquis », écrit dès 1945, vient opportunément d'être réédité aux éditions Lucien Souny. C'est un témoignage de première main sur ces hommes de la terre limousine qui ont pris les armes contre l'occupant sous l'autorité du légendaire chef FTP, Georges Guingouin, le préfet du maquis, comme on l'a appelé. Bonsoir. Ton véhicule n'a pas l'air d'avoir de passagers. Veux-tu me recevoir sans trop te déranger? Mes bottes ne feront pas trop d'écho dans ton couloir. Pas de bruit avec mes adieux. Pas pour nous les moments perdus en attendant un incertain au revoir. Parce que j'ai la folie. Oui, j'ai la folie. Oui, c'est la folie. Oui, c'est la folie. Oui, c'est la folie. Oui, c'est la folie. C'était une fois un étudiant qui voulait fort que en littérature sa copine, elle était si douce qu'il pouvait presque, en la mangeant, rejeter tous les vices, repousser tous les mâles. Détruire toute beauté. Qui, par ailleurs, n'avait jamais été ses complices parce qu'il avait la folie. Il avait la folie. Oui, c'est la folie. La folie. Si nous parlons d'Henri Nanot aujourd'hui, c'est donc parce que son fils a chargé un avocat de lancer une procédure de révision du procès qui a condamné son père. Or, bah, il faut que vous sachiez que Jean-Jacques Nanot n'a que très peu connu son père. Il avait 5 ans quand il est mort et ne vivait pas avec lui car ses parents étaient séparés. Oui, il habitait avec sa mère, alors. Oui, oui, il ne garde le souvenir que d'un grand bonhomme qui portait un foulard rouge et lui a donné un jour un ballon. Ouais, c'est bien peu, hein. Et pendant très longtemps, il n'a jamais repensé à ce père absent. Parce que dans la région de Limoges, bah, il ne fallait plus parler de Nanot, un personnage à la réputation douteuse et qu'il était préférable d'oublier. Alors, c'est quoi, la loi du silence? En quelque sorte. Et Jean-Jacques, artisan du bâtiment, a redécouvert son père à la fin des années 80, à l'occasion de la sortie d'un livre qui lui a été consacré par un éditeur local, René Rougerie. Et s'il demande la révision du procès, ce fils-là, ben c'est qu'il croit à l'innocence de son père. Ah, absolument. Mmh. Et avec son avocat, il entend bien le démontrer. Alors, pardon si je suis amené à me répéter, essayons nous aussi de redécouvrir Henri Nanot, car il le mérite. Mmh. Un homme qui sortait de l'ordinaire, hein, m'aviez-vous dit à l'époque. Et d'abord au physique. Hein. Ce poète était aussi un colosse. Il ne faisait rien pour passer inaperçu tant il débordait d'enthousiasme. Comme par exemple sur les marchés de la région. Lui, au milieu des fermières qui vendaient leurs poules ou leurs bottes de légumes, il sortait de sa musette des piles de fascicules de ses œuvres poétiques. Et il les proposait à la vente. Original. Oui, c'est une épithète qui lui va bien. Original parce qu'il ne faisait rien comme les autres, ou plutôt parce qu'il ne pensait pas comme les autres, et qu'il n'hésitait pas à le dire, ce qui a fini par lui coûter très très cher. Ouais. Mais c'était d'abord un paysan, hein? Oh, un modeste fermier, oui. Nanot est né au tout début des années 20, dans un hameau du Limousin. Une famille d'agriculteurs, donc. De petits agriculteurs, oui. Mmh. Le père a rapporté de la Grande Guerre une jambe de bois et quelques décorations, dont la Légion d'honneur. Ouais, quand même, ouais. Plus embêtant, il a aussi pris goût au vin que l'armée distribuait généreusement aux poilus. Mais lorsqu'il est à jeun, c'est un homme sensé et même remarquablement intelligent. Et la mère? Bon, c'est une femme simple et courageuse et qui saura faire preuve à l'occasion d'une remarquable présence d'esprit. Nanot en a donné lui-même un témoignage dans un texte, La Perquisition, qui a été publié dans la revue d'André Breton sur le surréalisme. Enfin, je résume. Hein. La scène se passe sous l'occupation. Un jour, des policiers viennent perquisitionner la ferme familiale où Henri Nanot cache des bâtons de dynamite. Il est déjà résistant. Bah, en tout cas, il est en relation avec le maquis de Guingouin. Ça se passe très mal, parce que le jeune homme commence à insulter ces policiers. La situation devient vite très tendue. Nanot cache une arme dans sa poche. Quant au père, malgré sa jambe de bois, il s'est saisi d'une barre de fer. La mère a compris le danger. Et tout en hurlant, elle prend un sac de farine et le renverse sur le tas de fumier de la cour. Oui, mais le sens de ce geste... Bah, c'est un véritable sacrilège à une époque où la farine est rare, rationnée et fait l'objet de réquisitions de l'occupant. Pour faire bonne mesure, la mère de Nanot jette par-dessus les décorations de son époux. Eh ben, résultat ? Bah, les policiers sont tellement ébahis qu'ils vident les lieux sans autre forme de procès. Toutefois, ils reviendront quelques jours plus tard. Et la mère de Nanot sera conduite dans un camp d'internement où elle restera 2 mois. Enfin, quoi qu'il en soit, grâce à cette diversion, les policiers n'ont pas fouillé la ferme et donc trouvé la dynamite. Quant à Nanot fils, il fera l'objet d'un rapport de police où on le décrit comme déséquilibré, irresponsable, dégénéré et alcoolique. Une réputation qu'il suivra longtemps. Ouais, quelle réputation ? Et qu'y a-t-il de vrai alors là-dedans ? Bah, c'est un original, je vous l'ai dit, un exalté, un provocateur né. Quant à l'alcoolisme, non. Bien au contraire, c'est parce qu'il ne boit pas que ses camarades de maquis le surnommaient par dérision Chopin. Du fait, oui. Pour compléter ce tableau de famille, il me faut aussi préciser que le père de Nanot est un rouge, comme on disait autrefois. Ouais, dans une région fortement marquée à gauche. C'est certain. Il n'est pas un militant, mais il est abonné au journal du Parti communiste. L'Humanité, l'UMA. Et Nanot est influencé par son père? Ah, tout à fait. Et très vite, il se passionne pour la vie politique. Il suit par exemple avec ferveur les événements de 1936 et à l'école, il n'hésite pas à faire état de ses convictions politiques. Ils sont alors celles de son père. Bien entendu. Ouais. Mais il faut aussi mentionner, dans la famille Nano, un autre personnage. Un oncle qui aura une grande influence sur son neveu. Professeur, cet homme est un philanthrope qui milite pour la cause des lépreux et créera, après la guerre, un jardin expérimental. Vous parliez de l'école. Henri Nano fait des études. Il fréquente d'abord l'école communale, puis il est admis à ce qu'on appelle alors l'école primaire supérieure. C'est à peu près l'équivalent de nos collèges. Oui, c'est ça. Nano n'est pas un élève facile. Plutôt bagarreur et indiscipliné, il n'hésite pas à contredire les professeurs qui ne lui plaisent pas. Toutefois, s'il néglige les sciences, il brille en français. Et il s'arrête où ? Après avoir obtenu son brevet, poussé par son instituteur, il tente les concours d'entrée à l'école normale d'instituteur. Mais à cause de ses sciences qu'il n'a pas étudiées sérieusement, il échoue. Et il refuse de repasser ce concours l'année suivante, car sa vocation, c'est la terre. Parce que, écrira-t-il plus tard, la seule vie libre, c'est la vie de paysan. Et pourtant, assez curieusement, quand la guerre est déclarée, ce jeune homme est pris de liberté et qui ne fait pas mystère de son antimilitarisme, devance l'appel et s'engage dans l'armée de l'air. Par patriotisme ? Certainement. À l'armée, il apprend à piloter, mais il découvre surtout un état d'esprit profondément réactionnaire. Le moins droitier des élèves pilotes, confiera-t-il, était bonapartiste. Effectivement. Ce fils de paysan est donc assez peu apprécié par ses condisciples. Toutefois, sa vie sous l'uniforme lui permet de faire une rencontre qui va bouleverser son existence. Mais je me souviens, enfin, dites quand même. André Breton. Le poète surréaliste. Breton est alors infirmier dans l'armée de l'air. Bien sûr, Nano n'a encore jamais entendu parler ni du surréalisme ni de Breton. Mais le poète et le jeune paysan sympathisent. Breton lui fait par exemple découvrir Baudelaire. Pour Nano, c'est une vraie révélation. C'est quoi, la révélation de la poésie ? Oui, et dès lors, le jeune homme ébloui veut tout lire. Mais il va aussi se mettre en tête d'écrire, non sans talent. Et il restera donc en contact avec Breton, puisque vous avez dit qu'il a publié son texte sur la perquisition, la ferme familiale. Oui, ce qui prouve que le créateur du surréalisme avait beaucoup de considération pour son ami paysan. Nano est démobilisé quelques semaines après l'armistice en août 1940, et tout naturellement, il retrouve le travail à la ferme familiale. Ouais, c'est son autre passion. Évidemment. Nano, qui est une force de la nature, travaille dur et aide ses parents. Et bientôt, ceux-ci, malgré leurs conditions modestes, pourront lui permettre de s'installer chez lui dans une localité proche. Mmh. Et quand entre-t-il dans la résistance, alors ? Le moment exact, je ne sais pas. Sans doute vers 1943. Mais peut-être a-t-il auparavant pris part à quelques actions. Il faut dire que très tôt, un puissant maquis s'est implanté dans cette région accidentée où les résistants peuvent vivre à l'abri de la forêt et avec la complicité des paysans qui les ravitaillent. Je vous rappelle qu'il existe alors des zones où policiers, miliciens et allemands ne peuvent même pas pénétrer. Ouais, c'est pourquoi le colonel Guingouin sera surnommé le préfet du maquis. Bien sûr, parce qu'il y règnera en maître. Mais je vous reparlerai de Guingouin, le grand, comme l'appelait Nano, qui lui aussi sera victime de la calomnie et d'une machination perpétrée par ces mêmes hommes qui vont persécuter Nano. Rendez-vous avec X. Monsieur X a évoqué la scène où la mère de Nano, pour faire diversion, gâche une farine pourtant si précieuse. En témoigne cet extrait de l'ouvrage de Henri Nano, Scène de la vie du maquis, assez caractéristique à la fois du style de l'auteur et de sa personnalité. Il parle de l'action des résistants de la région. Ils avaient mis fin au scandale ahurissant de la famine dans les campagnes. Ceci n'est pas de l'ironie. À une certaine époque, les paysans limousins manquaient de ce blé qu'ils avaient semé. On leur remettait un petit nombre de kilos d'une mixture noirâtre appelée farine, capable de tuer les taupes. Il fallait tamiser cette mauvaise farine pour en faire du pain à peu près mangeable. La quantité étant ridiculement insuffisante, les paysans menaient moudre en fraude en pleine nuit. La peur de la police était telle que les gens confectionnaient

revenons maintenant à Nano. Tout commence pour lui en mars 1957. Marcel Champeix, l'homme fort de la SFIO dans la région, découvre une bombe posée contre un soupirail de sa maison. Heureusement, la mèche a fait long feu. Et l'engin n'a donc pas explosé. En effet. Un mot peut-être sur ce notable socialiste à Champeix. Champeix, personnage truculent, a vraiment commencé sa carrière politique sous le Front populaire en se présentant aux élections législatives en Corrèze. Mais battu, il prendra sa revanche à la Libération. Et pendant la guerre ? Bol d'une conduite impeccable. Il a rejoint les rangs des FFI, arrêté par la Gestapo, il a été déporté à Mauthausen, membre de l'Assemblée constituante. Il a ensuite rejoint le Sénat, qu'on appelait alors le Conseil de la République. Il sera réélu à plusieurs reprises. Mais ce qui nous intéresse précisément dans l'histoire de Nano, c'est que Champeix, en 1957, est entré dans le gouvernement de Guy Mollet. Avec quel portefeuille Il est secrétaire d'État chargé des affaires algériennes. Il occupera d'ailleurs la même fonction dans le gouvernement suivant, celui de Bourgès Monnoré. Un poste sensible alors que Guy Mollet vient de décider d'envoyer le contingent en Algérie. Et que l'armée va employer les méthodes que l'on sait dans son combat contre les nationalistes algériens. En particulier la torture. Oui, et c'est d'ailleurs aussi en mars 57 que le général Paris de la Bollardière demandera à être relevé de son commandement, justement pour protester contre la torture. Revenons à cette tentative d'attentat. La police arrête assez rapidement un ouvrier carrier, un certain Mathieu. Ouais, parce qu'un carrier peut disposer d'explosifs. Naturellement. Mathieu, un jeune homme frustré, avoue et dénonce deux hommes ses complices. Deux militants communistes qui, eux, nient vigoureusement avoir été mêlés à cet attentat. Et bien sûr, la presse communiste locale parle de provocation policière. Mais alors que ce Mathieu est toujours incarcéré, un nouvel attentat vise la maison de Champeix au mois d'avril. Et cette fois, l'engin explose. Ouais. Avec quelles conséquences Seule la façade de la maison est légèrement endommagée. Donc Mathieu est mis hors de cause Pour ce deuxième attentat, oui. Toutefois, ce qui attire l'attention des policiers, c'est un écriteau cloué le lendemain sur un arbre devant la maison du secrétaire d'État. Un écriteau sur lequel on lit « Paix en Algérie, honte aux tortionnaires, flics et paras ». Et ça alerte les policiers. Ah oui, parce qu'ils pensent assez vite à Nano. Nano qui n'a jamais caché son hostilité à la guerre d'Algérie. Et qui le dit haut et fort, partout où il passe. Nano est donc interrogé par la police et reconnaît facilement être l'auteur de ces slogans pacifistes placardés devant chez Champeix, le secrétaire d'État aux affaires algériennes. Toutefois, ça ne veut pas dire qu'il est l'auteur des attentats. Oh, bien évidemment. Mais les policiers ont trouvé le bouc émissaire idéal. Ils ne vont plus le lâcher. Fin mai, il se présente chez Nano et il perquisitionne. C'est que n'est que la deuxième fois pour lui. Ouais. Il trouve quelque chose Je vais employer le conditionnel, car dans cette histoire, les faits sont bien imprécis. Alors allons-y quand même. Les policiers auraient déniché dans la ferme une poudre d'explosifs semblable à celle qui aurait été utilisée lors du deuxième attentat contre la maison de Champeix. Ça peut s'expliquer à un agriculteur. Peut avoir besoin d'explosifs pour dessoucher, par exemple. Et Nano a effectivement expliqué que c'était un ami carrier qui les lui avait procurés. Mais ce n'est pas tout. Ces mêmes policiers vont aussi trouver dans un champ présumé appartenir à Nano une entretoise de charrue. Or, dans la deuxième bombe, l'artificier aurait utilisé des morceaux de fonte semblables. Ouais, alors conclusion Nano est immédiatement embastillé et il est aussitôt passé à tabac. Torturé. Oui, des méthodes que ces policiers avaient peut-être expérimentées quelques années plus tôt. Cette longue séance nocturne est si violente que Nano doit être conduit à l'hôpital dès le lendemain matin. Il est quasi mourant. Et il doit sans doute à son physique exceptionnel d'être encore vivant. A noter que la direction de l'hôpital se refusera toujours à donner des détails sur son état physique lorsqu'il a été admis dans l'établissement. Il survit donc, mais il est tellement sonné que 3 jours plus tard, il est envoyé dans un asile d'aliénés. Rendez-vous avec X, Patrick Pénaud sur France Inter. René Rougerie, artisan éditeur limousin, a consacré un ouvrage à Henri Nanot, Un amour fou de liberté. Il reproduit une lettre que Henri Nanot a envoyé à André Breton quelques jours après les attentats perpétrés contre Marcel Champex, c'est-à-dire un moment où il est encore libre. Nanot ironise en parlant du secrétaire d'État aux affaires algériennes. Il prétend avoir échappé à de terribles attentats et accuse un instituteur avec qui il avait eu une vieille histoire de femme. La vérité, mystère épaté de foie gras. La prison de Tulle va peut-être se repeupler comme au temps des scandales policiers de Chambéry. En tout cas, l'explosion a fait du bruit. À 6 kilomètres, à vol d'oiseau, je l'ai entendu contre le vent. Mais j'ai pensé au coup de fusil d'un chasseur contre quelques rapaces nocturnes, ce qui est fréquent. Mais le bruit était un peu plus fort. Le jour suivant, une usine a flambé, appartenant à un de ses parents. Et ce n'était peut-être pas pour toucher une bonne assurance, comme tout le monde le dit. En tout cas, le pays grouillait de flics. Pour ma part, je me suis conduit comme un gamin. Vais-je retomber en enfance à l'âge adulte? J'avais préparé un écriteau portant en grosses lettres « Paix en Algérie et honte aux tortionnaires, flics et paras ». Je l'ai cloué en plein jour, le 12, foire de Masseret, sur le tronc d'un petit sapin en face du château bombardé. Nanot conduit dans un asile d'aliénés. Ah, il a perdu la raison? Bah, momentanément, oui. Et ça permet aux journaux d'écrire un peu plus tard que l'auteur des attentats a été appréhendé. C'était un déséquilibré, un fou. Ouais, et la messe est dite. Forcément. Tout le monde se satisfait de voir l'affaire résolue. Même les communistes se réjouissent, car leurs deux militants sont reconnus innocents et bénéficient d'un non-lieu. Quant au Carrier, Mathieu, il a tellement varié dans ses déclarations qu'il demeurera encore quelques semaines en prison. Et Nanot, alors? L'affaire est loin d'être terminée. Une dizaine de jours après son arrestation et son passage à tabac, Marcel Champex fait encore parler de lui. Une histoire si confuse qu'aujourd'hui encore, on ne sait pas ce qui s'est réellement passé. Un nouvel attentat? Oui, des coups de feu contre la voiture du sous-ministre qui rentrait chez lui à Masseret. Je vous raconte. Une nuit, le secrétaire d'État quitte Limoges pour rejoindre le bourg dont il est le maire, Masseret. Exceptionnellement, il a pris place dans une voiture de gendarmerie. Pour quelle raison? Il se méfie? Ah bah, ça me semble évident. Cependant, on ne saura pas exactement pourquoi, ni même s'il a reçu des menaces. Il y a quand même la guerre d'Algérie. C'est vrai. Et derrière la voiture où a pris place Champex, suit son auto personnelle conduite par un capitaine de gendarmerie. Et soudain, à une dizaine de kilomètres au sud de Limoges, ce deuxième véhicule va au fossé et verse après plusieurs tonneaux. Sain et sauf, l'officier de gendarmerie affirmera qu'on lui a tiré dessus. Sur l'auto qu'aurait dû occuper Champex, donc? Ce n'est pas sûr, car il y aura plusieurs versions. Faut toutefois observer que Champex fera preuve dans cette affaire d'une grande prudence. Il mettra les journalistes en garde. Surtout, ne brodez pas, vous auriez tort. Quoi, ça veut dire qu'il ne croit pas à la version du gendarme? Franchement, je n'en sais rien. En tout cas, ça ne fera guère de grand titre. Pourtant, ce n'est pas tous les jours qu'on tire sur la voiture d'un membre du gouvernement. Oui, c'est certain. Et Nanot, alors? Il ne peut être mis en cause, car à l'époque, il était déjà enfermé. Les amis auraient pu tenter de le venger. Improbable. Nanot est un homme seul, malheureusement. Les communistes avec lesquels il a rompu après les événements de Hongrie n'ont guère envie de le soutenir. Ce Nanot qui a combattu dans les maquis de Guingouin est un personnage suspect, un irresponsable et un provocateur dont il convient de se méfier. Quant aux socialistes, nous en avons déjà parlé, aucun soutien à attendre de leur part. Puis c'est un des leurs qui a été visé. Alors au fond, l'arrestation de Nanot arrange tout le monde. À commencer par ceux qui n'ont pas eu une attitude très claire sous l'occupation et qui ont refait surface. Ouais. Le fou a été mis hors d'état de nuire et c'est très bien comme ça. Enfin, c'est l'opinion qui prévaut dans le Limousin. Le fou, oui. Car à l'asile, puis en prison, Nanot paraît vraiment avoir sombré. Quand sa sœur vient le visiter, c'est à peine s'il la reconnaît. C'est la cause des mauvais traitements qu'il a subis? C'est certain. Dans ces conditions, la défense de Nanot est bien difficile. C'est une cause perdue d'avance, quoi. Oui, oui. Un, puis deux avocats se récusent. Et la famille n'a guère les moyens de solliciter un ténor du barreau.

Enfin, ça fait parler. À Paris, votre confrère Jérôme Garcin, l'animateur du Masque et la Plume sur France Inter, consacre un grand article à Nano dans l'événement du jeudi. Et des journalistes locaux, même s'ils avouent aujourd'hui qu'ils se sont censurés, rendent compte de ce livre. L'un d'eux, Alain Galland, évoque même le Dreyfus Limousin. Dreyfus. Croyez-vous à cette réhabilitation réclamée par son fils ? Pour réviser le procès, il faudrait fouiller dans un passé qu'aujourd'hui encore, beaucoup de gens de la région préfèrent oublier, tant il est nauséabond. Alors, j'avoue que j'ai des doutes. D'autant que généralement, la justice répugne à reconnaître ses torts. Et pourtant, la mémoire de Nano le mériterait. Pour finir, je vous propose une autre lettre d'Henri Nano écrite au début de sa détention. Lettre reproduite dans l'ouvrage de René Rougerie, Un amour fou de liberté, livre publié comme les scènes de la vie de Maquis par les éditions Lucien Souny. Emprisonné, Nano ne cesse de penser à sa ferme qu'il a dû abandonner. Voici ce qu'il écrit à ses parents. « Il ne faut pas compter me voir revenir avant plusieurs années. Mais ne désespérez pas, peut-être on se reverra. Vous voyez que je me rattache à l'existence, tout misérable que je suis. Pauvre père et mère, je vous en prie, ne vous faites pas de bile. Je ne croyais pas avoir suscité une pareille haine. » Et je ne croyais pas qu'il y eût des gens aussi bas et aussi mesquins. Deux livres pour terminer. D'abord, puisque nous avons évoqué la guerre d'Algérie, un document signé par François Mallier et Benjamin Stora, François Mitterrand et la guerre d'Algérie, un ouvrage paru chez Calman Lévy qui évoque sans fard la responsabilité de l'ancien garde des Sceaux dans l'exécution de nombreux militants algériens. Et ensuite, un livre particulièrement d'actualité à l'heure où l'on parle si souvent d'identité nationale, et pas toujours pour de bonnes raisons. Ils sont devenus français. Une mine d'aventures personnelles et une plongée dans les archives qui permet de découvrir comment les familles de Gainsbourg, Montand, Drucker, Aznavour et bien d'autres ont choisi la France en dépit des nombreux obstacles administratifs qui leur ont été opposés. Un livre édifiant de Dohan Buy et Isabelle Monin, édité par Lattès. À samedi prochain, je vous rappelle que sur franceinter.com, vous pourrez avoir accès à la balado-diffusion de Rendez-vous avec X. Rebecca de Nantes a préparé cette émission. Merci aussi à Michel Billoux qui l'a réalisée, bien évidemment, et Monsieur Djoub pour quelques notes de musique. Tout de suite après le flash CO2, mon amour, de Denis Chessou, on s'éclate.